Bonjour à tous, c'était un véritable plaisir que d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Alors vous verrez le passage qu'on va lire, il est assez simple. Et quelquefois, j'ai un peu honte parce que on a toujours besoin de commenter les choses simples alors qu'elles sont si faciles à comprendre. Mais nous avons besoin aussi d'encouragement. Nous avons besoin d'être exhortés, nous avons besoin d'être fortifiés. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, dans le tout premier psaume, qui est le psaume 1, et qui est un psaume très court. On le connaît tous. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Mais ce n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Et pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des justes? Il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des justes, mais la conduite des méchants les mène au désastre. Je vous invite juste à prier. Seigneur, bénis ta parole. Juste ta lecture, cette lecture nous suffirait presque, Seigneur, mais nous voulons être aussi à ton écoute et que tu nous aides à comprendre ce qu'est que d'être heureux en toi. Nous te bénissons, notre Dieu, pour tous tes bienfaits. Amen. Alors, en lisant ce psaume, je ne sais pas si vous avez remarqué, on aurait tendance à croire qu'on est en train de lire une recette. Si tu fais cela, eh bien, tu seras heureux. C'est une recette, en quelque sorte, du bonheur, une recette de la réussite. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux être heureux? Ça, c'est un slogan. Tu veux connaître le bonheur? Toi aussi, tu veux réussir dans tout ce que tu fais? Tu veux voir tes projets se réaliser? Sentir la bénédiction de Dieu sur toi, sur ta famille? Suis la recette. Je vais la résumer en quelques mots. Fais attention à tes fréquentations. Tu peux rire de tout, mais ne te moque pas de tout. Lis la Bible autant que tu le peux. Laisse tout ça mijoter toute ta vie. Et tu verras, ça va marcher. Et si ça marche pour moi, ça marchera aussi pour toi. Ah, surtout, n'oublie pas de remuer ou de te remuer de temps en temps pour ne pas que ça accroche à tes convictions. Voilà, c'est ce qu'on pourrait résumer un petit peu comme ça si on pensait en termes de recettes. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que il n'y a pas de recette de bonheur dans l'Écriture. Il n'y en a aucune. Pas plus qu'il y a de recettes pour l'éducation ou pour réussir un mariage. Je pense que croire cela ferait du Christ tout simplement un chef étoilé et on le comparerait à un Paul Bocuse ou un Thierry Marx. Je pense que croire cela réduirait l'Évangile à une recette qu'il faudrait suivre à la lettre, et dans la même veine, les églises ne seraient que des restaurants où chacun viendrait y apprécier un menu à la carte qu'il consommerait sur place ou le plus souvent à emporter. Alors il nous arrive parfois en église de faire des confessions de foi, et même parfois, lorsqu'on a le temps, des confessions de péché. Alors ce matin, à travers ce psaume et sa méditation, j'aimerais vous inviter à ce que l'on pourrait appeler une confession de bonheur, à accueillir et à proclamer le bonheur que nous avons en Jésus-Christ. Mais avant cela, pardonnez-moi, il faut considérer quelques éléments de contexte, parce que je pense qu'avant d'apprécier la beauté d'un arbre, il faut d'abord savoir observer la forêt où il pousse. Et la forêt où pousse cet arbre, c'est le livre des psaumes. Je dirais, pour inverser le dicton, que c'est la forêt qui cache l'arbre. Une grande partie de la Bible fait la part belle aux paroles de Dieu. Elles y sont consignées avec beaucoup de soin. Mais dans les psaumes, nous y retrouvons plutôt le recueil des paroles que nous, les humains, nous adressons à Dieu. Si dans le premier cas, c'est une parole qui descend du ciel sur la terre, dans les psaumes, c'est plutôt la terre qui s'adresse au ciel. Et si Dieu se fait plus discret dans les psaumes, s'il se retire en quelque sorte, c'est pour permettre qu'il advienne une autre parole que la sienne. C'est certainement pour laisser la place à l'expérience humaine. C'est pour cette raison que dans les psaumes, il y a quantité de sortes de sentiments qui s'expriment, d'émotions, toutes sortes de situations dans lesquelles chacun peut s'y retrouver. De la joie, nous le savons, de la louange, nous le savons aussi, de la reconnaissance, de l'adoration, de l'émerveillement, la sécurité d'être en Dieu, la confiance que cette sécurité nous inspire. Mais les psaumes laissent la place aussi à d'autres émotions. Vous savez, ce genre d'émotions qu'on aimerait cacher aux autres, ce visage de soi dont on n'est pas fier et qu'on ne voudrait pas montrer, parce que quelqu'un nous a dit un jour que être chrétien, c'était pas cela. Des émotions comme la colère, comme la révolte, le sentiment d'injustice, celui de n'être pas entendu, le doute parfois. Toutes ces choses qui sont en nous et qui font partie de nous, disent de notre humanité. Et il ne faut surtout pas les mettre de côté. Nous ne devons surtout pas mettre un couvercle dessus. Tout simplement parce qu'être un jour dans la joie et le lendemain dans la peine, avoir un moment de communion extrême avec Dieu et douter de sa présence 5 minutes plus tard, c'est ça être humain. Ça s'appelle la vie. Le psaume 1. Je pense que ce psaume est véritablement inclassable. À vrai dire, je sais pas dans quelle case le mettre. Parce que il n'y a pas de louange dans ce psaume. Il n'y a pas d'expression de sentiment de sécurité. Il n'y a pas d'émotion particulière dans ce psaume. Pas de révolte. Pas de trouble. Mais je pense qu'il y a dans ce psaume un concentré de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse dans ce psaume. En 6 versets, en 147 mots à peu près, selon les versions. Bien trop long pour un tweet, mais tellement, tellement efficace. Et je pense que cette efficacité, pour le coup, est à mettre sur le compte de Dieu. Parce que contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, dans ce psaume, c'est Dieu qui prend la parole. Une dernière fois. Le psaume 1, c'est, je pense, un chant d'amour que Dieu m'adresse avant d'entrer dans la réalité de la vie humaine qui est racontée par les psaumes. Alors ce psaume fonctionne un petit peu comme la porte d'entrée à un édifice monumental. Cet édifice, c'est le livre des psaumes. Et vous savez, l'image qui m'est apparue lorsque je réfléchissais à cela, c'est les portes d'entrée, ce sont les portes d'entrée de nos cathédrales. Aujourd'hui, elles sont moroses, on voit la pierre qui est usée, mais à la base, ces portes étaient resplendissantes de couleurs. Elles étaient multicolores. Et souvent, avec le temps, je pense que nous ne faisons pas assez attention aux portes que nous franchissons. Et le psaume 1 fait partie de cette porte. Ce n'est pas sans doute pour rien que dans la Bible hébraïque, le livre des psaumes est placé au tout début du livre de sagesse, tout juste avant les proverbes, Job ou Ecclésiaste. Pourquoi ? Parce que dans ce psaume, il y a de la sagesse. Et c'est sans doute la sagesse de vivre avec nos contradictions, avec les paradoxes de notre humanité. Mais c'est surtout cette sagesse de pouvoir les exprimer aussi. Et c'est le but de tous ces livres de sagesse. Alors nous l'avons dit, ce psaume, c'est un en-tête à la sagesse, à toutes les situations humaines, à tous les états qui nous traversent dans ces moments-là. Et voilà comment ce psaume commence. Heureux. Alors ce n'est pas sans nous rappeler, nous le savons tous, ce serment sur la montagne où le Christ prononce pour la première fois ces mêmes paroles. heureux, bienheureux. Alors, est-ce que dans la bouche du Christ, c'est un commandement? Est-ce que ce terme signifie une injonction? Ou bien est-ce que c'est une promesse? À moins que ce ne soit la prise en compte de la réalité humaine dans le royaume de Dieu. Ce que le Christ dit ici dans Matthieu 5, c'est que nous pouvons être heureux, quelles que soient les circonstances de nos vies. Nous pouvons être heureux dans le manque, heureux face à des situations de mort, heureux face à l'injustice, heureux aussi lorsque notre fidélité à Dieu nous coûte. Mais ce n'est cependant pas être heureux ou le bonheur comme nous l'entendons, c'est-à-dire être sans souci. Nous entendons souvent le bonheur comme cela, c'est-à-dire être sans souci, à l'abri de tout ou épargné de tout. Mais heureux ici dans le texte de Matthieu a le sens d'un élargissement intérieur, de quelque chose qui m'est profitable. Alors non pas à la manière du philosophe quand il dit que tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais à la manière du Christ, comme une ouverture vers un accroissement intérieur. Alors n'ayez pas peur, je ne me suis pas éloigné du psaume 1, hein, puisque c'est bien comme ça que commence le psaume 1, mais il fallait aussi voir comment ce mot « heureux » est utilisé dans l'Écriture ailleurs. C'est bien comme ça que commence le psaume 1. Parce que c'est par cette porte que nous entrons dans ce livre des psaumes, qui est le prologue à la sagesse. Heureux, bienheureux, heureux celui ou heureux l'homme. C'est par une béatitude adressée à l'humanité que nous sommes introduits dans le discours de la sagesse. Dieu veut que nous soyons heureux. Et nous encore, il nous dit heureux. Alors quand on regarde un peu plus près ce texte, ce mot en hébreu, il a une signification particulière. Il signifie joyeux, bien sûr, mais la racine de ce mot peut s'entendre aller de l'avant, avancer et même montrer le chemin. C'est la joie d'avancer en Christ, c'est aussi la joie de montrer le chemin aux autres. Alors André Chouraki, dans sa traduction, écrit « en marche ». Alors déjà, je vois que dans vos esprits, « en marche », le mouvement politique, ça n'a rien à voir, vous le savez. D'ailleurs, ils se sont certainement inspirés de la Bible. Mais il y a tellement de choses dont les politiques s'inspirent aujourd'hui. La bienveillance et tout cela, c'est dans l'Écriture. Alors, il traduit de cette façon « en marche ». Et tout comme dans les Béatitudes, d'ailleurs. Hein. Mais ce que l'on voit s'installer ici par ce choix, par cette définition du bonheur, c'est que le bonheur est une véritable dynamique. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que j'attends comme un cadeau du ciel, mais c'est une marche. On pourrait dire que c'est un parcours. Presque, on pourrait dire que c'est un itinéraire. Alors, ça peut redonner ça en traduction. En marche celui qui ne marche pas ou qui ne suit pas. En marche celui qui ne marche pas. Qui ne marche pas comme, il faut aussi le dire. Allez, ici, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est sur les mots qui sont employés. Il est dit en marche celui qui ne marche pas ou qui ne suit pas. Après, il parle de celui qui ne s'arrête pas et de celui qui ne s'assoit pas. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Alors souvent, en lisant ce texte, on se focalise sur les méchants ou sur les moqueurs. Et on est soulagé parce qu'à la fin de ce psaume, on sait que le jour viendra où ils seront punis. Mais ce que dit le texte, en tout cas ce qui me semble être le plus intéressant, c'est tout le bien qu'il y a à rester en mouvement, à aller de l'avant, à avancer, à ne pas s'arrêter, à prendre des initiatives, à essayer même de se tromper, mais c'est surtout à continuer. C'est Thomas Edison qui disait « Je n'ai pas échoué ». Vous savez, c'est celui qui a inventé, soi-disant, l'ampoule électrique. Il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement essayé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Et je pense que c'est dans cette dynamique que veut nous installer ce psaume. Alors ce psaume, il n'oppose pas deux destinées, comme on le pense souvent. Je pense que ce psaume s'adresse à la même personne, à différents moments de sa vie. On est tantôt le juste, qui médite, qui lit, qui met en pratique, et dans une certaine mesure, les fruits sont là. Mais on peut être aussi dans ce dessèchement. Je peux être tantôt verdoyant, porter du fruit, et tantôt enclin à suivre le chemin de la facilité, le chemin de la paresse, ce chemin qui m'assèche comme une paille qui est emportée par le vent. Alors le texte ne dit pas que marcher rend heureux. Peut-être que marcher guérit. Mais il dit que le bonheur est une mise en mouvement de tout mon être dans le chemin qui est Christ. Alors ce mouvement, c'est d'abord un élan d'amour. Je pense que c'est un véritable élan d'amour pour l'enseignement du Christ. Dans le texte, il est dit la Torah. Alors, selon que vous voyez Dieu, la Torah, ça peut être ou un commandement ou la loi. Mais si vous voyez Dieu d'une autre façon, la Torah, c'est un enseignement et une direction. C'est à nous de choisir. Et ce mouvement, c'est donc d'abord un élan d'amour pour cet enseignement, pour être enseigné, c'est-à-dire pour que l'on nous indique la direction. C'est un amour pour sa parole, c'est un amour pour sa parole, un amour pour la lire. Le texte dit, et c'est beau, un texte, c'est un amour pour la murmurer, pour la chanter parfois. C'est une parole qui me rafraîchit, une parole qui produit en moi des fruits de saison, mais qui n'épuise pas ma racine. Et je remarque que c'est porter du fruit en sa saison ou en chaque saison. C'est-à-dire qu'il faut admettre que quelquefois, on ne porte pas du fruit. Parce que le fruit, c'est un cycle. Et il faut admettre que quelquefois, eh bien, nous avons besoin plutôt d'être enracinés, plutôt que la sève monte et s'épuise à porter du fruit tout le temps. Alors, je ne sais pas, comme affirme le psaume, si je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai, parce que les échecs font partie de la vie. Et les livres de la sagesse sont là pour le dire. Ils sont là pour dire quoi, les livres de sagesse? Même si je peux tout, si je fais tout bien, l'épreuve peut arriver. C'est ce que disent les livres de sagesse. Mais en tout cas, ce que je désire, comme vous, c'est me mettre en marche à la suite du Christ. Parce que, au final, je pense que c'est ça, le vrai bonheur. Parce qu'au final aussi, en Christ, comme le dit l'apôtre Paul, j'ai la vie, j'ai le mouvement et j'ai l'être. Amen. Alors, je vous invite à faire une confession de bonheur. Alors, je ne sais pas comment la faire. Je ne sais pas. Confession de péché, il y en a plein, mais je n'en ai pas trouvé. Et je vous invite à faire cette confession simplement en courbant la tête et en disant à Dieu combien nous sommes heureux, combien nous avons tout en lui. Et déjà, je parle trop, alors silence, et confessons le bonheur que nous avons en Christ. Seigneur, nous avons l'habitude de confesser nos péchés, de confesser nos fautes, de professer également, de confesser notre foi. Ce matin, nous voulons aussi confesser ce bonheur auquel tu nous appelles, ce bonheur d'être à toi, d'être en sécurité, d'être enraciné profondément en toi, de puiser en toi notre raison d'être. Nous voulons véritablement que tu nous prennes par la main, que tu nous conduises et que tu sois notre rocher, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et nous te disons cette joie d'être à toi dans l'épreuve, dans l'abondance, dans les hauts, dans les bas, nous l'avons chanté. C'est le bonheur que nous voulons proclamer ce matin, confesser ce matin et vivre ce matin. Amen.